Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Paul Deschanel, 1920, le président ne répond plus. Tout avait si bien commencé le 17 janvier 1920, lorsqu'il avait été élu président de la République avec plus de 84% des voix. La passation de pouvoir fut grandiose. Une foule d'hommes en queue de pie et haute forme, des gardes républicains à cheval, l'arrivée en carrosse de Monsieur Deschanel, fier et superbe avec son col dur et sa moustache pointue. La Troisième République apparaissait dans sa magnificence, rien à dire. C'est après que tout s'est mis à dérailler. Trois mois plus tard, et pour toujours, Paul Deschanel allait devenir le président fou qui est tombé d'un train, retrouvé en pleine nuit par un cheminot alors qu'il errait en pyjama le long de la voie. « Je suis le président de la République », avait-il dit. Comment y croire ? Un signe imparable prouva qu'il s'agissait bien d'un monsieur, ses pieds étaient propres. Devenant la risée de la presse et du public, Deschanel allait bien vite incarner le pire cauchemar des hommes politiques, mais aussi, malgré lui, poser la question de la maladie mentale au plus haut niveau de l'État. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bruno Fulini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la vie politique française. Donc Paul Deschanel a été élu pour 7 ans en janvier 1920, mais son septennat ne dura en fait que 7 mois. Ce président de la République, que représente-t-il, Paul Deschanel, dans l'histoire de la Troisième République ? Il faut bien se rendre compte que les républicains qui ont bâti cette Troisième République en 1870 ont été traumatisés par ce qui s'est passé en 1848, où le président, en 1848, était élu au suffrage universel direct, masculin, mais direct, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens. Ça a donné Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'est empressé de faire un coup d'État, puis de proclamer l'Empire à son profit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand, à la chute de l'Empire, les républicains reviennent au pouvoir, ils redoutent une chose plus que tous, qu'ils appellent le césarisme, c'est-à-dire qu'un homme puisse s'arroger comme cela la puissance exécutive à son profit. Alors, eh bien, ils vont imaginer un système dans lequel le chef de l'État est tout simplement dénué de pouvoir. Alors, si on lit la Constitution, il a un certain nombre de pouvoirs, mais ils sont tout de même très limités, et de toute façon, la pratique du premier président républicain à la tête de la Troisième République, Jules Grévy, va vraiment vider de sa substance le pouvoir présidentiel, en particulier, il va renoncer à utiliser son droit de dissolution. Or, le président de la Troisième, il n'est plus élu par les citoyens français, il est élu par les parlementaires. On n'est pas obligé d'être soi-même parlementaire pour être candidat, mais seuls les parlementaires votent, et dans la pratique, eh bien, ce sont toujours des parlementaires qui sont élus après Grévy, et même, très souvent, des parlementaires de haut vol, de haut rang, en particulier être président du Sénat, ou, comme Paul Deschanel, président de la Chambre, c'est un très bon marchepied pour accéder à l'Élysée. Mais une fois arrivé au pouvoir suprême, on se rend compte que le pouvoir n'est pas là. Mais donc c'est une fonction un peu de fin de carrière, on peut dire. De Gaulle, plus tard, dira que la fonction du président de la République ne saurait consister à inaugurer des chrysanthèmes. Il pense, bien sûr, à ce qu'il a observé sous la Troisième République. Et la Quatrième. Et la Quatrième aussi. Le jeune De Gaulle a été un petit peu effaré de voir l'effacement du premier personnage de l'État au profit d'un président du Conseil, qui lui est le chef du gouvernement, mais qui est très fréquemment renversé par la Chambre, puisque les groupes parlementaires sont nombreux et qu'il peut y avoir à tout moment, une crise sur un amendement, sur un texte, sur un ordre du jour, des choses très simples, et tout à coup, le gouvernement demande la majorité, il ne l'a plus, il tombe. Alors, d'un gouvernement à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes ministres, mais il peut y avoir des gouvernements qui durent une semaine, voire 2 ou 3 jours. Alors Paul Deschanel, lui, quand il devient président de la République en 1920, il a 65 ans, il est loin d'être un inconnu, il a déjà une longue carrière politique derrière lui. Oui, on pourrait dire que sa carrière politique a débuté dès le jour de sa naissance, puisqu'il naît en Belgique, il est le fils d'un de ces républicains qu'on a appelé les proscrits parce qu'ils ont dû fuir la France après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il est même le premier enfant de la proscription, comme on l'appelle, donc il aura comme parrain Victor Hugo. Ouais, n'importe voilà. qui. Ouais. Et son père, Émile Deschanel, est aussi un républicain en vue, un grand professeur également, qui est très respecté. Donc dès sa naissance, il est marqué par ce destin qui va être celui d'une génération de républicains. Et par ailleurs, il est lancé en politique après une petite carrière en préfectorale par Gambetta. Donc il est proche de ces républicains assez ancrés à gauche, mais pas extrémistes, qu'on va appeler les opportunistes. Ce sont des gens qui sont profondément républicains, mais qui ont un petit peu appris des révolutions ratées précédentes et qui considèrent qu'il faut républicaniser le pays à un certain rythme, sans aller trop vite. Donc c'est un républicain, mais plutôt modéré. Il défend l'école. Il est plutôt laïque, mais sans excès. Une des marques de Paul Deschanel, qui est un garçon bien élevé, c'est qu'il va éviter les excès de langage, les excès idéologiques en général. Et puis il va avoir une carrière très longue, puisqu'il est élu député pour la première fois en 1885. Il est député d'Eure-et-Loire, élu et réélu et de nouveau réélu, jusqu'à ce qu'il soit porté à la présidence de la République. Pendant l'affaire Dreyfus, comment se positionne-t-il ? Eh bien, l'affaire Dreyfus, évidemment, aurait été très embêtante pour Paul Deschanel s'il avait dû vraiment s'exprimer. La grande chance historique pour lui, c'est qu'il est élu, à la surprise générale d'ailleurs, président de la Chambre pour la première fois en 1898, donc au moment où l'affaire devient vraiment un enjeu qui divise profondément politique, la France. Ouais. Et il profite de cette position de président de la Chambre, et donc de la neutralité relative qu'elle induit, eh bien, pour ne pas trop prendre position. Des témoignages indiquent qu'il était quand même hostile à la révision du procès Dreyfus, qu'il ne croyait pas vraiment en l'innocence de Dreyfus, mais il se rend bien compte qu'il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire, et Jaurès d'ailleurs le lui reprochera d'avoir été... C'est un homme prudent, quoi. C'est un homme tout à fait prudent. Et du coup, il appartient à la gauche en tant qu'il est républicain, mais il plaît bien à la droite parce qu'il est modéré, bien élevé, et puis aussi bien habillé, ça compte. Alors, l'histoire de ce soir se déroule en 1920. Où en est la société française à ce moment-là ? Après 4 années et demie de guerre, après toutes les horreurs des tranchées, mais aussi tous les bouleversements qui se passent à l'arrière, c'est une société en pleine turbulence. Alors les institutions politiques restent les mêmes, celles de la Troisième République, la société a complètement changé. Les femmes en particulier ont occupé pendant la guerre toutes sortes de postes à l'arrière et économiques, et elles ne veulent pas évidemment retourner au foyer. Les poilus sont démobilisés, en tout cas ceux qui ont survécu, mais le pays qu'ils retrouvent n'est pas exactement celui qu'ils ont quitté. L'Europe a complètement changé aussi. Les rapports de force sont bouleversés. Et puis on vient de signer le traité de Versailles en janvier 1920. Bien sûr, le traité de Versailles, avec beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'espoirs déçus. Il y a aussi, depuis 1917, une révolution en Russie qui va avoir des répercussions en France, avec la naissance d'un nouveau courant politique, effectivement, qui va donner le communisme. Donc c'est une société en pleine ébullition, avec à la fois des espoirs et des déceptions. Bruno Fulini, si vous le voulez bien, on se retrouve dans une trentaine de minutes pour commenter cette cruelle histoire. Tout de suite, Paul Deschanel, 1920, Le Président ne répond plus, un texte de Clara Saer et Zoé Gabillet, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Ça fait maintenant presque une heure que nous sommes installés et je n'ai pris la parole que quelques minutes. Milleran n'a pas arrêté de me couper. On dirait que mon avis n'intéresse personne. Et dire qu'avant mon élection, je déclarais partout « Le président choisit les ministres et les préside. » Quelle naïveté. Il m'a fallu toute une vie pour devenir président de la République. Et seulement une petite heure pour comprendre que ce dernier ne sert à rien. 7 ans. Je dois tenir 7 ans. Tiens, voilà Milleran qui reprend son grand numéro. Il est tellement content de lui. S'il se voyait, tous ces ministres, avec leurs têtes de veau persillées. Vous ne voulez pas de mon avis, messieurs, c'est cela ? Eh bien, soit ! Mais s'ils avaient tous raison, si je n'étais pas digne du peuple... Oh mon Dieu, on étouffe dans cette pièce. Vite, fixer un point, ne rien laisser paraître de mon malaise. La poignée de la fenêtre, oui, c'est bien une poignée. Tiens, les vitres sont pleines de traces de doigts. Je vais faire remarquer cela à l'intendance. Faudrait quand même que je reprenne la parole. Je suis quand même le président de la République française. Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur une question que vous avez abordée. Comme je l'ai évoqué devant la Chambre lors de mon discours d'investiture, je crois fondamentalement à la nécessité de maintenir les alliances que nous avons nouées pendant la guerre, et particulièrement avec l'Angleterre. Voyez-vous, la situation du continent européen est encore instable. Cet homme politique qui tente en vain de prendre la parole lors de son tout premier conseil des ministres est Paul Deschanel, élu président de la République française quelques jours plus tôt, le 17 janvier 1920. Avec 734 voix sur 868, il obtient le meilleur score d'un candidat sous la Troisième République, battant au passage le président du conseil sortant, Georges Clemenceau, alias le Tigre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est un chantier immense qui attend le chef de l'État et son gouvernement, dirigé par le président du Conseil, Alexandre Millerand. Dans les premiers mois de son mandat, Paul Deschanel parcourt le territoire afin d'aller à la rencontre d'un peuple particulièrement éprouvé par 4 ans de guerre. Le 5 avril 1920, il est à Nice pour célébrer la 42e fête fédérale de la gymnastique. C'est bon, Théodore. Tu vas bien, monsieur le président? Parfaitement. Passez-moi un peu d'eau, vous voulez bien? Bien sûr. J'ai soif. Merci. Voilà. Je suis mon petit Théodore dans une forme olympique. Nice me fait un de ses effets. Oh, ça me donnerait presque envie d'y retourner, tiens. Non, monsieur le président, je vous en supplie. Vous avez dit 2 fois votre discours. À mon avis, tout le monde a bien compris ce que vous vouliez dire. Mais tout de même. Non, écoutez, allons-y, nous sommes attendus. Nous allons passer par derrière pour regagner notre voiture. Ah mais quel dommage, j'adore les bains de foule. À d'autres occasions. Théodore, je ne pouvais pas faire autrement, la foule en réclamait. Vous avez entendu ce silence, hein, quand j'ai repris la parole? Mais ils étaient captivés. Ben, c'est sûr. Aujourd'hui, les gens veulent des dirigeants volontaires, optimistes. Vous comprenez? Après 4 ans de guerre, les Français ont besoin de croire en l'avenir. Oui, évidemment. Je veux restaurer l'idée que tout est possible, que le pire est derrière nous. Allô, allô. Je me suis vraiment senti pousser des ailes. Vous avez bien cru qu'on ne pourrait plus vous arrêter. Je ne veux pas pécher par vanité, mais je suis très content de mon discours. J'étais comme emporté par les mots, comme si une voix s'était emparée de moi. Ah oui, je me le confirme, vous sembliez totalement investi. Ah, maintenant que vous me le dites, je me demande si ce n'est pas lui qui m'a tout soufflé. Qui ça, lui? Dieu? Je ne crois pas que le Tout-Puissant s'adresserait à un laïcard comme moi, non. Je parlais de Cicéron. Et vous pensez qu'il était là, ce soir, parmi nous? Bien sûr que non, mais quand vous faites de la politique, les grands orateurs antiques ne sont jamais très loin. La preuve, tiens. Théodore, que les armes s'effacent devant la toge. Quedant arma togae. Je connais mal Cicéron. Oh, c'est pas tout ça. Quelle est la suite du programme? On nous attend à l'hippodrome pour une démonstration de gymnastique. Formidable. Je me sens en jambes aujourd'hui. Monsieur, c'est en prévue présidentielle que vous êtes attendu. Je plaisante. Vous me voyez vraiment faire la roue? Détendez-vous. C'est pas tous les jours qu'on est en voyage officiel sur la Riviera. Très bien. Vous voulez repasser par votre hôtel pour vous reposer une minute? Bon, vous n'y pensez pas. Comme vous voudrez. Et je vous demande juste quelques instants, le temps que je fasse prévenir le chauffeur. Faites. Quai d'Orsay 842. Ah, bonjour mademoiselle. Puis-je avoir les services du président du conseil, s'il vous plaît? Théodore Roussel. Oui, le secrétaire du président. Il est rangé, écoute. Oui, bonjour, monsieur le président du conseil. Ah, Roussel, alors tout se passe bien à Nice? Écoutez, je vais vous parler sans détour. Monsieur Deschanel m'inquiète. Mais encore? Vous savez, il devait faire un discours pour la fête fédérale de la gymnastique. Quoi, il s'en mêlait les pinceaux? Si on veut, il... Quoi? Voici, parlez, mon vieux, moi non plus, j'ai pas toute la nuit. Eh bien, le président a prononcé 2 fois son discours. Mais comment? Comment ça, pourquoi? Je ne sais pas, il était en boucle. On aurait dit un comédien qui ne veut plus sortir de scène. Et maintenant? Comme si de rien n'était. À Bordeaux, déjà, il a fait des papouilles à tous les anciens combattants. Le même jour, l'histoire de l'aveugle, vous êtes au courant? Oh, ouais. Il lui a dit, mon ami, vous ne me voyez pas, mais vous allez sentir mon cœur. Oui, oh, bon, ça, celle-là, on aurait voulu l'inventer, qu'on n'y aurait pas pensé. À ce train-là, ça risque d'être guignol tous les jours pendant 7 ans. Je ne vous le fais pas dire. Il vaut mieux garder un œil sur lui, histoire que ça ne se reproduise plus. Oui. Je vais en toucher deux mots au ministre de l'Intérieur. Et puis, si le pâteau chaud dans la semoule, on va avoir un problème. Vient, la Constitution ne prévoit pas de vice-président. Je vais devoir raccrocher. Pardon? Eh bien alors, mon garçon, vous en mettez un temps. Je ne voudrais pas manquer les épreuves de gymnastique. On y va. Les semaines passent et Paul Deschanel inquiète de plus en plus son entourage. Absence, saute d'humeur, comportement étrange. Autour de lui, on reste discret de peur que la question de la santé mentale du président ne fuite dans la presse. Le 23 mai 1920, le chef de l'État se rend à bord du train présidentiel à Montbrison dans la Loire afin d'inaugurer le lendemain le monument aux morts de la Grande Guerre de la région du Forez. Le convoi officiel quitte la gare de Lyon dans la soirée. Théodore ? Arrivé en gare de Montbrison à 10h. Une voiture nous attendra pour nous rendre directement sur place. Mm-hmm. Ensuite ? Hommage à l'aviateur Émile Raymond, tombé au combat, puis déjeuner à la préfecture. Très bien. Ah, la rencontre avec l'association des chasseurs du Forez est à quelle heure ? Nous avons annulé ce rendez-vous, monsieur le président, afin d'alléger un peu votre emploi du temps. Ah. Merci, Théodore. Vous pouvez disposer. Bonne nuit, monsieur le président. Bonne nuit. Minuit moins le quart, il est impossible de fermer l'œil. Il faut absolument que je dorme. Même quelques heures. Je me sens si oppressé. J'ai l'impression que... on piétine le cœur. Mais où sont ces somnifères? C'est pas vrai! Au diable la sécurité du président. Ah. Ah. Ah, ça fait du bien. Ah. Ah. La campagne. Ah, ça sent presque l'été. J'ai déjà l'impression de me détendre. Ah! Mon Dieu, mon épaule. Ah, ça me fait un mal de chien. Oh. Théodore ! Théodore ! Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais seul ? En pyjama ? Sur la voie ferrée ? En pleine nuit ? Oh, c'est un cauchemar. À l'aide ! À l'aide ! Et vous, là-bas ! Avec la lumière ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oh, doucement, l'ami ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est que... j'ai eu un accident, et comment dire... Mais vous saignez comme un goré ! Vous voyez, je voyageais quand... Et ma parole, vous êtes en pyjama ? Ouais. Le mari de votre maîtresse vous a chassé du lit conjugal ? Vous allez bientôt regretter. votre impertinence, monsieur. Oh, vous seriez pas le premier, vous êtes fait botter les fesses par un mari jaloux, va. Vous ne comprenez pas bien la gravité de la situation. Mais ça va, prenez pas vos grands airs, hein. Je ne vous permets pas. Mais regardez-vous. Épargnez-moi vos commentaires, hein. Je suis tombé d'un train. Alors ça, au 20 ans que tu viens de faire, c'est la première fois qu'on me le fait. Je dois trouver un téléphone au plus vite. Rien que ça. Monsieur exige le téléphone, mais vous croyez que ça se trouve sous le sabot d'un cheval? L'heure est grave. Il en va de l'honneur de la France. Allons bon. Monsieur, vous avez devant vous le président de la République. Je suis Paul Deschanel. Et moi la reine d'Angleterre. Je vous supplie de me croire et de me mener sur le champ chez le garde-barrière le plus proche. Je dois alerter. Il faut qu'on vienne nous chercher très vite. Oui, celle-là, c'est la meilleure de l'année. Allez, suivez-moi. Je vais vous conduire chez Gustave, c'est à deux pas. Quand je vais lui dire que je amène le président en personne, c'est pas certain qu'il nous déroule le tapis rouge, hein. Mon Dieu. J'ai du mal à tenir sur mes jambes. Bon, mais appuyez-vous sur moi. Ah, merci bien. Dites-moi, quelle est la préfecture la plus proche d'ici? Montargis. Toutes les polices du pays doivent être à ma recherche. Je dois absolument joindre le préfet. Oui, oui, mais du calme. On arrive chez Gustave. Il doit dormir à cette heure-ci. On va s'en jeter un petit et après on verra, hein. Gustave, oh, Gustave! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, Dario! Oh, ça va, j'arrive, j'arrive! Désolé, mon vieux, de te réveiller en pleine nuit, mais là, on a un cas de force majeure. J'ai trouvé ce monsieur sur les voies. Allons bon. Bah, entrez! Mais ma parole, vous saignez! Restez pas là, entrez donc! Aussi. Vous êtes bien aimable, monsieur. Assoyez-vous. Voilà. Je vous remercie, mais je dois absolument téléphoner. Oui. En attendant, je vais vous chercher des compresses. Hein. Dis donc, là, il est dans un drôle d'état, ton gars. Mais t'as encore rien vu. Il prétend qu'il est le président des Chanel, le vieux. Et qu'il est tombé du train. Bon, il a l'air d'un aliéné sorti d'un asile, oui. Encore un à qui on a oublié de serrer la camisole comme il faut. Tiens, un petit dos de vie, Radeau. Ah. Y a pas à dire. Ce soir, tu l'as bien mérité. Hein. Il déraille complètement. Il veut téléphoner au préfet. Bon ben, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Messieurs, vous pensez que je ne vous entends pas comploter? Puisque je vous dis que je suis Paul Deschanel. Je suis tombé du train présidentiel. Ce serait franchement demain, pas piqué des verres s'il disait vrai, t'imagines? Un monument aux morts près de mon T'as prison. Vu ses pieds? Quoi ses pieds? Regarde. Il a les pieds propres. T'as compris? Il est vraiment de la haute? Je vous demande pardon. Rappelez-moi qui vous vouliez prévenir? Le préfet. Bien, monsieur, j'appelle la gare. Hein. De toute façon, si c'est vraiment le président, on sera couvert. On recevra peut-être la médaille de l'ordre du mérite, des fois. Malgré de nombreuses contusions, le président Deschanel va bien. Par chance, des travaux sur la ligne ferroviaire obligeaient le train à rouler à 50 km/h au moment de sa chute, ce qui lui a évité des blessures plus graves. Ce n'est que le lendemain que la délégation constate sa disparition. Pendant que tout le gratin de la politique locale attend le chef de l'État en gare de Montbrison pour 10 heures, c'est la panique à bord du train. À peine l'alerte donnée, le convoi présidentiel s'arrête de toute urgence en gare de Roanne à 7 heures. Au matin de ce 24 mai 1920, la France n'a plus de président et le gouvernement doit faire face à une situation politique et constitutionnelle sans précédent. Enfin, Théodore, qu'est-ce que vous me racontez? Je sais, monsieur Millerand, ça semble invraisemblable. Il a bel et bien disparu. Mais disparu. Il s'est tout de même pas volatilisé. C'est pour cela que nous redoutons un enlèvement, mais qui voudrait enlever le président. Mais tout le monde, mon pauvre Théodore. Des mineurs grévistes, des jusqu'au boutistes de 14-18, je sais qui encore. En attendant, nous n'avons plus de chef de l'État. Je dois prévenir le président de la Chambre. Quelqu'un doit assurer l'intérim. Pourvu qu'il soit toujours de ce monde. Mais on va vite le savoir. Les ravisseurs vont nous présenter une rançon salée. C'est vraiment pas le moment. Les caisses de l'État sont vides. Et si le président avait commis l'irréparable? Allons. Ces derniers temps, il semblait lointain. Mais non. Deschanel a tout donné pour être président, c'est pas pour se suicider une fois élu. Un instant, monsieur. Je vois qu'on s'agite sur le quai. Il semblerait qu'on ait des nouvelles. Ne quittez pas, je me renseigne. Ouais, vraiment, on aura tout vu. Ouais. Allô, monsieur le président du Conseil? Monsieur Millerand? Oui. Je viens d'avoir la confirmation. Le président est sain et sauf. Il a été récupéré par des gardes-barrières dans le Loiret. C'est la préfecture de Montargis qui nous a envoyé un télégramme, je n'en sais pas plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon, écoutez, il n'y a plus de vacances du pouvoir, c'est l'essentiel. Bon, je vous laisse si on a besoin de moi. Nous devons aller chercher. Eh ben allez-y. Hé, Théodore, une dernière chose, tant que vous y êtes. Tâtez un peu le terrain avec la presse. Oui. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas trop de journalistes sur place. Sinon, je vous le garantis, ils vont s'en donner à cœur joie. De retour à Paris, Paul Deschanel reprend ses fonctions. Mais il est politiquement fragilisé par l'épisode du train. La nouvelle de sa chute a fait le tour du pays et les journaux tournent en ridicule le chef de l'État. Ainsi, le quotidien satirique Le Charivari, daté du 6 juin 1920, écrit « Le musée politique de la Troisième République pourra placer désormais à côté du chapeau de M. Loubet et de la barbe de M. Fallière, le pyjama de M. Deschanel, que ses bons amis ont désormais surnommé « Pyjamel ». Les moqueries dont il est la cible contribuent à la dégradation de la santé mentale du président, qui peine à retrouver son autorité. Celle-ci vient de Son Altesse, le roi de Belgique. C'est délicat de sa part. Et des lettres comme celle-là, il y en a des centaines au service courrier pneumatique. Des moqueries anonymes, je suppose. Ne soyez pas si morose, monsieur le président. Et vous, si naïf ? Même les huissiers de l'Élysée sourient d'un air entendu en me voyant arriver. C'est impossible. Et je préfère même pas penser au cancan que les ministres colportent entre eux. La nuit où j'ai disparu, Mitterrand a dû s'imaginer dans ce bureau à ma place avec jubilation. Pas du tout. Le gouvernement était très inquiet. Le président du conseil était prêt à mettre les meilleurs limiers du renseignement sur votre piste. Bon, très bien. Revenons à des choses sérieuses. Voulez-vous me lire le communiqué que le président du conseil a rédigé au sujet de l'incident ? C'est-à-dire que... je ne sais pas si je l'ai sous la main. Théodore ? Oui. Exécution ? Oui, la main de voilà. Indisposé par la chaleur du wagon, le président voulut, vers 23h45, ouvrir la fenêtre. Celle-ci résistant, le président se suspendit de toutes ses forces au poignet, mais la fenêtre céda brusquement et M. Deschanel fut projeté au dehors d'autant plus facilement que les fenêtres du wagon présidentiel n'ont pas de... Ça leur a bien arrangé que je passe sous le train ce soir-là. Hein. Qu'allez-vous imaginer ? En politique, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous avez besoin de vous remettre de votre accident. Mais je n'ai pas le temps pour une convalescence. Les conséquences politiques de cette nuit-là vont être utilisées par mes adversaires. Ils veulent me ridiculiser pour me rendre inaudible. Mais vous avez été élu. Les Français croient en vous. Le pays est dans un tel état. Ils sont fous de manipuler cette histoire pour fragiliser le rôle du président. Tout ce qu'ils vont gagner, c'est une crise institutionnelle. C'est pour cela que vous devez faire face. Nous devons désamorcer la crise. Sinon, ma mésaventure va laisser des traces dans l'opinion. Pas forcément. Si nous réagissons vite, nous pouvons limiter la casse. Mettons-nous au travail. D'abord, j'ai besoin de lire tout ce qui a été écrit pour pouvoir répliquer. Je dois connaître les armes de mes ennemis. Je suis d'accord avec vous, monsieur le président, mais ça risque d'être violent. Les humoristes se déchaînent. Il y en a un en particulier. Non. Allez-y. Je suis prêt. Il s'appelle Lucien Boyer. Et sa chanson, Le pyjama présidentiel. Bon, jusque-là, ce brave homme ne fait pas preuve d'une grande originalité. Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel. Il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour. Allant à Montbrison, par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'est épatant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni le chef de l'État. J'ai bien vu, il a du talent, c'est certain. L'air est très entraînant. Il posa cette question, quelle est votre profession ? Et Popol répliqua, je suis le chef de l'État. L'autre pensa, c'est Charlot qui prépare un numéro. Il n'a pas abîmé son pyjama. Lors de l'été 1920, l'état de Paul Deschanel ne s'améliore guère. La santé mentale du président est l'objet de toutes les spéculations, parfois les plus loufoques. Mais derrière le ton moqueur, à aucun moment la question de sa pathologie psychiatrique n'est réellement abordée. Dans cette France de l'entre-deux-guerres, la maladie mentale reste taboue et la profonde dépression dans laquelle s'enfonce le chef de l'État, ainsi que ses nombreuses crises d'angoisse, sont passées sous silence. La continuité de l'État reste une priorité, et bien qu'il se sente diminué, le président, poussé par une partie de son entourage, continue d'ignorer l'éventualité d'une démission. Mais au matin du 10 septembre, quand on le retrouve à moitié nu dans un bassin de la résidence d'été présidentielle de Rambouillet, il devient évident que Paul Deschanel n'est plus en état d'assurer ses fonctions. tout va bien? Bon, s'il vous plaît, ouvrez, hein, je commence à m'inquiéter. Paul, je n'aime pas quand vous vous enfermez si longtemps. Ah, mais vous n'êtes pas encore habillé? Je suis incapable d'enfiler un costume. Mon moindre reflet dans un miroir me fait trembler. J'ai l'impression qu'une force invisible me paralyse. Mais que dites-vous? Je suis à bout, Germaine. Je peux plus continuer comme ça. Vous avez besoin de repos, Paul. J'ai peur. Je deviens fou. Allez, venez, sortez de la salle de bain. Avec la tuyauterie, on pourrait vous entendre. À l'Élysée, les murs ont des oreilles. Germaine, comment ai-je pu me retrouver à moitié nue dans ce bassin? Je me souviens de rien. Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver si ce brave jardinier ne m'avait pas sorti de l'eau. Il est arrivé à temps. Avec ma fonction, il aurait peut-être mieux valu qu'on me retrouve noyé. Ah, Paul, je vous en prie, ne parlez pas de malheur. Ce que je vis, c'est pire que la mort. C'est l'infamie. Vous exagérez. Je ne contrôle plus rien. Je ne supporte plus la foule. J'ai tout le temps peur que quelqu'un s'en prenne à moi. Je vis dans la hantise d'avoir une absence. Je sais à quel point vous souffrez, Paul, mais tout va s'arranger. Mais puisque je vous dis que je suis fou. Non, Paul. Voilà, vous. La France est dirigée par un président fou. Calmez-vous, allez. Je vous en supplie, quelqu'un pourrait vous entendre. Mais quel déshonneur pour vous, pour nos enfants, notre famille. Je suis tellement, tellement désolée, Germaine. Si vous saviez comme j'ai honte. Là. Vous méritez tellement mieux. Mais vous allez vous soigner et guérir bien vite. Vous n'y pensez pas. J'ai un pays à diriger. J'ai été élu pour 7 ans. Paul, vous n'avez plus le choix. Vous devez renoncer à la présidence et présenter votre démission. Non, vous n'y pensez pas. On met vous tombé d'un train. Aujourd'hui, on vous retrouve dans un bassin. Sans compter les innombrables crises dont vous avez été victime. Les médecins sont inquiets et je ne parle même pas du gouvernement. Mais c'est hors on de ne question. Peut plus cacher éternellement votre état. Hors de question. Aidez-moi plutôt à m'habiller au lieu de vouloir régenter ma vie. Vous êtes surmené, Paul. Prenez la grande porte avant qu'on ne vous pousse vers la sortie. Je ne pourrais pas vivre avec un tel échec. Germaine, est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir toute sa vie un rêve, de le réaliser et de le voir partir en fumée? Vous pouvez inventer un autre rêve, Paul. Il y a une vie après la présidence. Le 21 septembre 1920, Paul Deschanel présente sa démission. Comme le veut la Constitution, c'est par un message adressé aux chambres que le chef de l'État s'exprime devant la représentation nationale. Dans cette courte allocution, il explique que c'est contraint par la situation qu'il doit prendre cette décision qu'il qualifie lui-même de déchirement. Élu pour 7 ans, son mandat n'aura duré que 7 mois. Alexandre Millerand lui succède le 23 septembre. Dans le même temps, Paul Deschanel est hospitalisé au sanatorium de Rueil. Ah, en réponse à votre question d'hier, docteur, vous savez quand vous me demandiez ce qui me manque le plus en ce moment, eh bien, je dirais les films de Buster Keaton. Vous savez, l'acteur américain, à chaque fois que je l'ai vu au cinéma, il m'a fasciné. Tiens donc, je n'aurais pas imaginé une telle passion. Mais cet homme me touche. Comment ça? Vous avez vu ses derniers films? Sa façon de marcher, de bouger, il a une attitude de... Parfois, on dirait que son corps est élastique. Même ses chutes ressemblent à des numéros d'équilibriste. C'est vrai qu'il est drôle. Ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit en premier. Moi, il me bouleverse. Oui. Comment ça? C'est la seule personne que je connais qui puisse transmettre autant d'émotions sans prononcer un seul mot. Son regard, ses gestes, se suffisent à eux-mêmes. Vous qui avez dû prendre tant de fois la parole en public, vous me dites aujourd'hui que vous êtes fasciné par un acteur dont on n'entend jamais la voix. Ouais. Cela ne m'empêche pas d'admirer aussi les grands discours des orateurs antiques. Leur façon de manier les idées, les concepts, ça me transporte. Ça me transporte autant qu'une cascade de Buster Keaton. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je vous l'avais déjà dit, docteur? Mon père affirmait que déjà bébé, je babillais du Cicéron. J'imagine que ce père aurait préféré vous savoir président que cascadeur. Je sais pas. Mais je sais qu'il n'aurait pas supporté l'idée de me savoir à l'asile. Vous êtes ici dans un sanatorium, monsieur le président. Mmh. Et vous allez déjà beaucoup mieux. Cela fait plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de crise. Oui. Jamais je n'aurais cru que nos discussions pourraient avoir un tel effet sur moi. Mais maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai du mal à imaginer la suite. Prenez le temps qu'il faudra. Heureusement, j'ai ma famille, mes amis. Je reçois beaucoup de messages de soutien, vous savez. Tenez, mon ami Eric Satie m'a envoyé une lettre fort gentille, pas plus tard que ce matin. Vous voulez l'entendre ? Eric Satie, le compositeur ? Avec plaisir. Bon, passons sur les rondes jambes habituelles, bien que ce soit pas le fort de ce cher Satie. Comme c'est créatif, tout cela me ravit. Je vous remercie de ces dernières frasques. Elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes de la famille, un frère, que dis-je, un clown. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras. J'aime les présidents dérangés. Je vous vois d'ici exécuter sur mes perles sonores quelques arabesques orientales dans votre pyjama bleu en soie. Décidément, ce pyjama en soie aura marqué les esprits. Ah, vous, c'est la question du pyjama qui vous interpelle. Attendez un peu, c'est pas fini. Oui, bien sûr. Quelle classe, mon bon Desch. Vous allez avoir du temps libre. Le music hall compte sur vous. Votre dévoué, l'insatiable ésotérique. Eh bien, votre ami ne manque pas d'imagination. Eric Satie est un excentrique. Rien ne vous choque dans cette lettre ? Je sais ce que vous pensez. Vous me voyez vraiment monter un numéro avec lui. Mais je ne crois pas qu'il pensait à mal. Je ne suis pas certaine de cela. Pour vous, seuls les hommes politiques sont malveillants ? Un musicien aussi peut être un virtuose de l'humiliation, vous savez. Oh, au point où j'en suis. Et puis en matière d'humiliation, je suis très bien servi par moi-même. Merci. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous n'avez pas à être victime de vous-même, ni de votre maladie d'ailleurs. Venez, allons nous abriter. Nous allons être trompés. Tenu éloigné des cercles du pouvoir, Paul Deschanel se rétablit totalement. Son anxiété et les symptômes qui en découlaient sont derrière lui et il décide de faire son retour dans la vie publique en briguant le siège de sénateur d'Eure-et-Loire. Le 9 janvier 1921, soit moins de 4 mois après sa spectaculaire démission, il est élu au premier tour de scrutin avec 50,35% des suffrages. Je les aurais donc tous occupés, les majestueux fauteuils de la République. Mais le rouge et or du Sénat seront le dernier décorum avant celui du tombeau. La haute chambre, celle des sages. Baliverne, oui. Nous ne sommes qu'une bande de vieillards incapables. J'ai vraiment cru pendant toutes ces années que mes convictions pourraient changer le monde. Et me voilà, moi, Paul Deschanel, le président qui a chuté maladroitement d'un train et de son piédestal par la même occasion. Je n'ai rien laissé à mes concitoyens pour leur rendre l'existence moins pénible. C'est le seul constat qui m'importe. Le plus terrible. Une minable chute contre un petit bout de postérité. Mais après tout, je n'ai à rougir de rien. Français, jamais je ne vous ai trahi. Paul Deschanel, 1920, le président ne répond plus de Clara Saher et Zoé Gabillet avec Paul Deschanel, Grégoire Tachnakian, Théodore Jean-Noël Lefebvre, Alexandre Millerand, François Loriquet, Germaine Judith Morisseau, André Rado, Yvan Cory, Gustave Dariot, Édouard Penaud, le docteur Mélanie Canal, Virginie Colmain, bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Claude Niort et Antoine Espel, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Paul Deschanel avec mon invité Bruno Fulini. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Vanessa Paradis, Kiev, sur France Inter, Autant emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rolin. Bruno Fulini, avec le recul, il y a aussi avec les connaissances en psychologie, en psychiatrie éventuellement, qui se sont affinées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui de quelle maladie mentale était atteint Paul Deschanel, s'il s'agit d'une maladie mentale? Alors, bien sûr, moi je ne suis pas compétent d'un point de vue médical. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, dont l'une en particulier assez sérieuse en 1950. Disons que si Paul Deschanel avait été un dément, par exemple un schizophrène, on l'aurait su beaucoup plus tôt. Ça ne se déclenche pas à l'âge de 65 ou 66 ans. Plus vraisemblablement, c'est une forme de déprime, une énorme dépression qui s'empare de lui au moment où il arrive au stade suprême de sa carrière politique, au moment où il n'a plus personne au-dessus de lui. Toute sa vie, depuis son enfance, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il était l'incarnation de ce parti républicain, d'abord dans l'exil, puis aux affaires. C'est le monsieur très convenable, très bien habillé, on le compare souvent à un garçon coiffeur, on le caricature en gravure de mode. Même ses adversaires considèrent qu'il préside très bien les séances quand il devient président de la Chambre des députés. Et finalement, lorsqu'il arrive à l'Élysée, il continue de jouer un rôle, finalement. C'est le bon fils de son papa, on dirait, d'après ce que vous dites. C'est le fils de son papa, et puis ce qui est frappant, c'est qu'en fait, au moment de cette grosse déprime qui se traduit par ses actes sinon inexplicables, au fond, c'est le seul moment où il est lui-même, d'un certain point de vue et paradoxalement. Tout le reste du temps, il joue un rôle, il le fait d'ailleurs très bien. Un grand polémiste de l'affaire Dreyfus qui s'appelait Laurent Taillade disait qu'on pouvait pas dire de mal de lui, il n'est sur son compte ni bien ni mal à exprimer, c'est le néant sans phrase, le vide absolu. Et 10 ans plus tard, un autre polémiste dira le plus vide et le plus reluisant de nos politichinelles. Donc l'idée, c'est que c'est une enveloppe, c'est une façade, mais il n'y a rien derrière. Ce qui est frappant, c'est que dans la dernière année de sa vie, quand il a démissionné et qu'il est élu au Sénat... Oui, il n'aura plus qu'une année à vivre, hein. C'est ça. Meurt en 1922. Il meurt en 1922, il est élu au Sénat au début de l'année 1921. Et bien pendant cette année de mandat sénatorial, il se comporte tout à fait normalement. Donc ça n'est pas un malade mental. Alors évidemment, après, la légende va s'emparer du fou à l'Élysée. On va lui prêter toutes sortes de choses qui n'ont jamais existé. On dira qu'il avait signé des textes du nom de Napoléon, ouais, qui se promenait tout nu avec pour seul vêtement l'insigne de la Légion d'honneur. Ouais. Tout ça, ce sont des légendes, évidemment, mais qui s'appuient sur ces deux moments très particuliers que sont la chute du train et puis le barbotage dans ce bassin de Rambouillet. Ce qui est étonnant, pour ne pas dire pathétique, dans le parcours de Deschanel, c'est que donc ça fait des années qu'il brigue ce poste de président de la République, il refuse même pour ça des postes ministériels, il veut se préserver, et quand il arrive enfin, voilà, c'est 1920, il devient président, et ben là, il découvre que c'est une coquille vide. Est-ce qu'il manque de lucidité? De même, il n'a pas l'air d'avoir conscience qu'il a moins de charisme que Clémenceau, son adversaire au poste de président de la République en 1920. C'est donc Deschanel qui est élu. Évidemment, Clémenceau a beaucoup plus de charisme que lui. Il doit bien le savoir, malgré tout. Oui, et d'ailleurs, il est élu aussi contre Clémenceau, beaucoup plus que pour ses qualités. Ouais. D'ailleurs, en fait, Clémenceau ne se présente même pas à l'élection, parce qu'à l'époque, comme le président est désigné par les parlementaires, il y a des scrutins préparatoires qui ont lieu dans les assemblées. Clémenceau comprend assez vite que tout perd la victoire qu'il est. Le président du Conseil qui monte à la tribune le 11 novembre 1918, la figure de la victoire française. Eh bien, cette page d'abord est déjà tournée, et surtout les parlementaires n'ont pas envie d'avoir une personnalité aussi forte, aussi envahissante que Clémenceau à l'Élysée. Il est élu parce qu'on considère qu'il ne fera pas de vagues, alors que lui, justement, aimerait tellement en faire. Vous l'avez dit, Bruno Fellini, Paul Deschanel était un homme réputé pour sa prestance, son élégance, mais aussi pour son éloquence. Je vous propose de l'écouter dans un discours prononcé en décembre 1914, donc 5 mois après le déclenchement de la guerre. Paul Deschanel est alors président de la Chambre des députés. Représentant de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande, jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, chefs à la fois prudents et hardis, unis à leurs troupes par une mutuelle affection. Et tout ce peuple, impassible sous la tempête, brûlant de la même foi, vit-on jamais, en aucun temps, en aucun pays, plus magnifique explosion de vertu. C'était donc Paul Deschanel en décembre 1914, un bel hommage au poilu. Étonnant tout de même ce style oratoire, les H aspirées, les doubles consonnes. Tous ces hommes politiques parlaient-ils comme ça ou y avait-il un style Deschanel ? Il y a un style Deschanel qui est plutôt dans la retenue. Ça nous échappe parce que nous, évidemment, nous avons d'autres habitudes. Oui. Tous ces hommes politiques de la Troisième sont formés à l'école de la rhétorique. Attention, à une époque où il n'y a pas de micro, où pour faire carrière en politique, il fallait être capable, simplement par sa voix, de dominer une assemblée. Et pour être élu, il fallait déjà avoir un organe, la capacité à dominer le tumulte simplement par sa voix. Ensuite, il y a des styles évidemment différents, plus ou moins chaleureux, plus ou moins enlevé. Clémenceau était très différent. Mais Deschanel était apprécié justement pour la solennité aussi de son discours. Et d'ailleurs, nous lui devons quelques pages importantes dans notre histoire. Lorsque Jean Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914, eh bien, c'est un député qui est tué. Donc, le lendemain, c'est Paul Deschanel qui prononce son éloge funèbre. Quand la France remporte la victoire le 11 novembre 1918, c'est Paul Deschanel qui, en tant que président de la Chambre, toujours ouvre la séance et va donner la parole à Clémenceau qui vient à la tribune. Donc, il y a comme cela un certain nombre de discours importants. Et même à l'époque, il y avait un rituel, c'est que quand un discours était particulièrement réussi, les députés votaient l'affichage, c'est-à-dire qu'on prenait le compte-rendu du discours et on en faisait une grande affiche qui était apposée sur les 36 000 mairies de France. Et Deschanel a eu très souvent cet honneur. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, Bruno Fulini, l'affaire des Chanel, c'est aussi la manière dont elle a été médiatisée, comme on dit aujourd'hui, l'affaire donc de la chute du train, celle du bain dans le bassin de Rambouillet. Elles ont fait les choux gras, bien sûr, des éditorialistes, des caricaturistes, des chansonniers, l'occasion était trop belle. La presse n'est plus censurée en 1920 comme elle l'était pendant la guerre. Il y a une certaine liberté de ton. Oui, oui, on retrouve le ton qui était celui d'avant 1914, très moqueur, dans une presse qui est régie par la loi de 1881, donc une loi très libérale. Au fond, la presse se permet à peu près tout, et des fois même d'inventer un petit peu. À l'époque, le seul frein, c'est plutôt la menace du duel, si on va trop loin. Mais là, il y a des faits. Là, il y a des faits réels. Oui, le duel était évidemment en usage sous la Troisième République, et d'ailleurs, au début de sa carrière, Deschanel s'était battu contre Clémenceau. Donc c'était vraiment de vieux rivaux, hein, de longue date. Alors, au-delà du cas Deschanel, cette histoire pose plusieurs questions politiques. Celle donc de la vacuité du pouvoir en cas de disparition du président de la République. On pense qu'il a peut-être été enlevé. Et bien sûr, la question de la santé mentale, donc la maladie mentale, quand elle touche le plus haut niveau de l'État. Est-ce que c'était un sujet tabou ou quelque chose était prévu dans la Constitution? Non, rien n'était prévu pour destituer le chef de l'État. Ce qui est embêtant pour les Républicains avec cette affaire Deschanel, c'est qu'on se retrouve dans une configuration qu'on avait connue, mais sous la monarchie. Au fond, des rois fous, il y en a eu dans l'histoire de France ou dans les autres monarchies. Et avec un pouvoir... Aujourd'hui, il y en a peut-être encore, bon, nous ne citerons pas de nom. Avec un pouvoir de type républicain, on pensait pouvoir être à l'abri, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de système pour destituer le président de la République, donc Deschanel n'a pas été destitué. En fait, il a signé une lettre de démission qu'on lui a présentée au moment opportun. Certains ont dit même qu'on avait un petit peu tenu sa main. En tout cas, formellement, il démissionne. Il n'est pas démis de ses fonctions. Dans cette affaire, on voit bien qu'on est à une époque où tout est très codifié socialement. Les corps, les esprits sont engoncés dans des corsets, que ce soit les femmes, les hommes. La moindre défaillance, la moindre faiblesse est interdite. Est-ce qu'à votre avis, Bruno Fulini, ça a beaucoup changé ? Je suis pas sûr que ce soit aussi strict que ça, la Troisième République. C'est quand même une époque qui a laissé dans notre mémoire collective des épisodes assez pittoresques. Simplement, là, on est au sommet de l'État. Le moindre faux pas du chef de l'État est une aubaine pour les caricaturistes, les chansonniers et bien sûr l'opposition. Cela dit, finalement, une solution a été trouvée de façon relativement intelligente. Et puis, Alexandre Millerand arrive à l'Élysée. Ce qui est paradoxal, c'est que nous nous souvenons tous du nom de Paul Deschanel. Et plus personne ne saurait dire ce qu'a fait Alexandre Millerand en tant que chef de l'État. C'est une forme de revanche, on va dire. Merci Bruno Fulini, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'histoire politique française au 19e et 20e siècle, notamment « Républiquissime, petites et grandes histoires de la vie politique » paru chez Armand Collin en 2018. À lire également « Paul Deschanel » de Thierry Billard aux éditions Belfond, paru en 1991. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Suisse à la fin du XVIIIe siècle, au fond d'une vallée de la Suisse alémanique, dans la petite ville de Glaris. C'est là qu'en juin 1782, Anna Göldi, servante chez un notable de la ville, fut condamnée à mort et exécutée sur la place publique pour sorcellerie. Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire, mais en attendant, juste après le flash, d'autres lumières vous attendent, celle d'Edouard Baird, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.